La cité de Dieu de saint Augustin, livre 20e, Le jugement dernier. Tome 4e, édition Charpentier 1855. Traduction et notes par Monsieur Émile Edmond, Cesset. Chapitre 24. Prophétie tirée des psaumes de David sur la fin du monde et sur le dernier jugement de Dieu. Il y a dans les psaumes beaucoup de passages qui regardent le jugement dernier, mais on n'y en parle que d'une manière concise et rapide. Il ne faut pas toutefois que je passe sous silence ce qui est dit en termes très clairs sur la fin du monde. Seigneur, dit le psalmiste, vous avez créé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. Ils périront, mais pour vous, vous resterez. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Vous les changerez de forme comme un manteau, et ils seront transformés. Mais vous, vous êtes toujours le même, et vos années ne finiront point. Psaume 101, 26 et 28. D'où vient donc que Porphyre, qui loue la piété des Hébreux et les félicite d'adorer le grand et vrai Dieu, terrible au Dieu même, accuse les chrétiens d'une extrême folie, sur la foi des oracles de ces dieux, parce qu'ils disent que le monde périra? Voyez le livre 19, chapitre 23, des oracles que Porphyre rapporte touchant Jésus-Christ. Voilà cependant que les saintes lettres des Hébreux disent au Dieu devant qui toutes les autres divinités tremblent, de l'aveu même d'un si grand philosophe, les cieux sont l'ouvrage de vos mains, et ils périront. Est-ce donc qu'au temps où les cieux périront, le monde, dont ils sont la partie la plus haute et la plus assurée, ne périra pas? Si Jupiter ne goûte pas ce sentiment, s'il blâme les chrétiens par la voix imposante d'un oracle d'être trop crédule, comme l'assure notre philosophe, pourquoi ne traite-t-il pas aussi de folie la sagesse des Hébreux, qui ont inscrit ce même sentiment dans leur livre sacré? Du moment donc que cette sagesse, qui plaît tant à Porphyre qu'il l'a fait louer par la bouche de ses dieux, nous apprend que les cieux doivent périr, quelle aberration de faire du dogme de la fin du monde un grief contre la religion chrétienne, et le plus sérieux de tous, sous prétexte que les cieux ne peuvent périr que le monde entier ne périsse. Note. Porphyre, et en général l'école d'Alexandrie, soutenait avec force l'éternité de l'univers. Il est vrai que dans les Écritures qui sont proprement les nôtres, et ne nous sont pas communes avec les Hébreux, c'est-à-dire dans l'Évangile et les livres des apôtres, on lit que la figure de ce monde passe, 1 Corinthiens 7, 31. Que, le monde passe, 1 Jean 2, 17. Que, le ciel et la terre passeront, Matthieu 24, 35. Expression plus douce, il faut en convenir, que celle des Hébreux, qui disent que le monde périra. De même, dans l'épître de saint Pierre, où il est dit que le monde qui existait alors périt par le déluge, il est aisé de voir quelle est la partie du monde que cet apôtre a voulu désigner, 2 Pierre 3-6, et comment il entend qu'elle a péri, et quels sont les cieux alors renouvelés qui ont été mis en réserve pour être brûlés par le feu au jour du jugement dernier et de la ruine des méchants. Un peu après il s'exprime ainsi, le jour du Seigneur viendra comme un larron, et alors les cieux passeront avec grand fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ce qu'elle contient, sera consumée par le feu. Et il ajoute, donc, puisque toutes ces choses doivent périr, quelle ne doit pas être votre piété ? 2 Pierre 3-10, 11. On peut fort bien entendre ici que les cieux qui périront sont ceux dont il dit qu'ils sont mis en réserve pour être brûlés par le feu, et que les éléments qui doivent se dissoudre par l'ardeur du feu sont ceux qui occupent cette basse partie du monde, exposés aux troubles et aux orages, mais que les globes célestes, où sont suspendus les astres, demeureront intacts. Quant à ces étoiles qui doivent tomber du ciel, Matthieu 24, 29, outre qu'on peut donner à ces paroles un autre sens, meilleur que celui que porte la lettre, elles prouvent encore davantage la permanence des cieux, si toutefois les étoiles en doivent tomber. C'est alors une façon figurée de parler, ce qui est vraisemblable, ou bien cela doit s'entendre de quelques météores qui se formeront dans la moyenne région de l'air, comme celui dont parle Virgile, Énéide livre 2. Une étoile, suivie d'une longue traînée de lumière, traversa le ciel et alla se perdre dans la forêt d'Ida. Mais pour revenir au passage du psalmiste, il semble qu'il n'excepte aucun des cieux, et qu'ils doivent tous périr, puisqu'il dit que les cieux sont l'ouvrage des mains de Dieu, et qu'ils périront. Or, puisqu'il n'y en a pas un qui ne soit l'ouvrage de ses mains, il semble aussi qu'il n'y en ait pas un qui ne doive périr. Je ne pense pas, en effet, que nos philosophes veuillent expliquer ces paroles du psaume par celles de saint Pierre, qu'ils haïssent tant. Voyez livre 18, chapitre 53 et 54, l'oracle où saint Pierre est accusé d'être un magicien. Et prétendre que, comme cet apôtre a entendu les parties pour le tout, quand il a dit que le monde avait péri par le déluge, le psalmiste de même n'a entendu parler que de la partie la plus basse des cieux, quand il a dit que les cieux périront. Puis donc qu'il n'y a pas d'apparence qu'ils en usent de la sorte, de peur d'approuver le sentiment de l'apôtre Saint-Pierre et d'être obligé de donner à ce dernier embrasement autant de pouvoir qu'il en donne au déluge, eux qui soutiennent qu'il est impossible que tout le genre humain périsse par les eaux et le feu, il ne leur reste autre chose à dire, sinon que leur Dieu ont loué la sagesse des Hébreux, parce qu'ils n'avaient pas lu ce psaume. Le psaume 49 parle aussi du jugement dernier en ces termes. Dieu viendra visible, notre Dieu viendra, et il ne se taira pas. Un feu dévorant marchera devant lui, et une tempête effroyable éclatera tout autour. Il appellera le ciel en haut et la terre, afin de discerner son peuple. Assemblez-lui ses saints, qui élèvent son testament au-dessus des sacrifices. Psaume 49, 3 à 5. Nous entendons ceci de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra du ciel, comme nous l'espérons, juger les vivants et les morts. Il viendra visible pour juger justement les bons et les méchants, lui qui est déjà venu caché pour être injustement jugé par les méchants. Il viendra visible, je le répète, et il ne se taira pas, c'est-à-dire qu'il parlera en juge, lui qui s'est tu devant son juge, lorsqu'il a été conduit à la mort comme une brebis qu'on mène à la boucherie, et qui est demeuré muet comme un agneau qui se laisse tondre, ainsi que nous le voyons annoncé dans Isaïe 53, 7, et accompli dans l'Évangile, Matthieu 26, 63. Quant au feu et à la tempête qui accompagne le Seigneur, nous avons déjà dit, au chapitre 21, comment il faut entendre ces expressions, en expliquant les expressions semblables du prophète Isaïe. Par ces mots, il appellera le ciel en haut, comme les saints et les justes s'appellent avec raison le ciel, le psalmiste veut dire sans doute ce qu'a dit l'apôtre, que nous serons emportés dans les nues, pour aller au-devant du Seigneur, au milieu des airs. 1 Thessaloniciens 4, 6, car à le comprendre selon la lettre, comment le ciel serait-il appelé en haut, puisqu'il ne peut être ailleurs? À l'égard de ce qui suit, et la terre, pour faire la séparation de son peuple. Si l'on sous-entend seulement il appellera, c'est-à-dire il appellera la terre, sans sous-entendre en haut, on peut fort bien penser que le ciel figure ceux qui doivent juger avec lui, et la terre ceux qui doivent être jugés. Et alors ces paroles, il appellera le ciel en haut, ne signifie pas qu'il enlèvera les saints dans les airs, mais qu'il les fera asseoir sur des trônes pour juger. Ces mots peuvent encore avoir le sens suivant. Il appellera le ciel en haut, c'est-à-dire qu'il appellera les anges au plus haut des cieux, pour descendre en leur compagnie et juger le monde, et il appellera aussi la terre, c'est-à-dire les hommes qui doivent être jugés sur la terre. Mais si, lorsque le psalmiste dit « et la terre, etc. » on sous-entend l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il appellera et qu'il appellera en haut, je ne pense pas qu'on puisse mieux l'entendre que des hommes qui seront emportés dans les airs au-devant de Jésus-Christ, et qu'il appelle le ciel, à cause de leurs âmes, et la terre, à cause de leur corps. Or, qu'est-ce discerner son peuple, sinon séparer par le jugement les bons d'avec les méchants, comme les brebis d'avec les boucs? Il s'adresse ensuite aux anges, et leur dit, assemblez-lui ses saints, parce que sans doute un acte aussi important se fera par le ministère des anges. Que si nous demandons quels sont ces saints qu'ils lui doivent assembler, ceux, dit-il, qui élèvent son testament au-dessus des sacrifices. Car voilà toute la vie des justes, élever le testament de Dieu au-dessus des sacrifices. En effet, où les œuvres de miséricorde sont préférables aux sacrifices, selon cet oracle du ciel, j'aime mieux la miséricorde que le sacrifice, Osée 6, 16, ou au moins, en donnant un autre sens aux paroles du psalmiste, les œuvres de miséricorde sont les sacrifices qui servent à apaiser Dieu, comme je me souviens de l'avoir dit au deuxième livre de cet ouvrage chapitre 6. Les justes accomplissent le testament de Dieu par ses œuvres, parce qu'ils les font à cause des promesses qui sont contenues dans son Nouveau Testament, d'où vient qu'au dernier jugement, quand Jésus-Christ aura assemblé ses saints et les aura placés à sa droite, il leur dira, « Venez, vous que mon Père a béni, prenez possession du royaume qui vous est préparé dès le commencement du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Matthieu 25, 34, et le reste au sujet des bonnes œuvres des justes et de la récompense éternelle qu'ils en recevront par la dernière sentence. Chapitre 25. Prophétie de Malachie annonçant le dernier jugement de Dieu, et la purification de quelques-uns par les peines du purgatoire. Le prophète Malachie, appelé aussi ange, et qui, suivant quelques-uns, est le même qu'Esdras, dont il y a d'autres écrits reçus dans le canon des livres saints, tel est, d'après Jérémie, le sentiment des Hébreux. Note. Voyez le préambule de Saint Jérôme à son commentaire sur Malachie, œuvre complète de Saint Jérôme par Monsieur l'abbé Barreille, tome 9, page 451. Malachie, dis-je, a parlé ainsi du jugement dernier. Le voici qui vient, dit le Seigneur Tout-Puissant, et qui soutiendra l'éclat de son avènement, ou qui pourra supporter ses regards, car il sera comme le feu d'une fournaise ardente et comme l'herbe des foulons, et il s'assoira comme un fondeur qui affine et pure l'or et l'argent, et il purifiera les enfants de Lévi, et il les fondra comme l'or et l'argent. Et ils offriront des victimes au Seigneur en justice. Et le sacrifice de Juda et de Jérusalem plaira au Seigneur, comme autrefois dans les premières années. Je m'approcherai de vous pour juger, et, Je serai un témoin fidèle contre les enchanteurs, les adultères et les parjures, contre ceux qui retiennent le salaire de l'ouvrier, qui oppriment les veufs par violence, outragent les orphelins, font injustice à l'étranger, et ne craignent point mon nom, dit le Seigneur Tout-Puissant. Car je suis le Seigneur votre Dieu, et je ne change point. Malachie 3:1 à 6. Ces paroles font voir clairement, à mon avis, qu'en ce jugement il y aura pour quelques-uns des peines purifiantes. Que peut-on entendre autre chose par ce qui suit? Qui soutiendra l'éclat de son avènement, ou qui pourra supporter ses regards? Car il sera comme le feu d'une fournaise ardente et comme l'herbe des foulons. Il s'assoira comme un fondeur qui affine et pure l'or et l'argent, et il purifiera les enfants de Lévi, et il les fondra comme l'or et l'argent. Isaïe dit quelque chose de semblable. Le Seigneur fera disparaître les impuretés des fils et des filles de Sion, et ôtera le sang du milieu d'eux par le souffle du jugement et par le souffle du feu. Isaïe 4, 4. À moins qu'on ne veuille dire qu'ils seront purifiés et comme affinés, lorsque les méchants seront séparés d'eux par le jugement dernier, et que la séparation des uns sera la purification des autres, puisqu'à l'avenir ils vivront sans être mêlés ensemble. Mais, d'un autre côté, lorsque le prophète ajoute qu'il purifiera les enfants de Lévi, et les affinera comme on affine l'or et l'argent, qu'ils offriront des victimes au Seigneur en justice, et que le sacrifice de Juda et de Jérusalem plaira au Seigneur. Il fait bien voir que ceux qui seront purifiés plairont à Dieu par des sacrifices de justice, et qu'ainsi ils seront purifiés de l'injustice qui était cause qu'il lui déplaisait auparavant. Or, eux-mêmes seront des victimes d'une pleine et parfaite justice, lorsqu'ils seront purifiés. Que pourraient-ils en cet état offrir à Dieu de plus agréable qu'eux-mêmes? Mais nous parlerons ailleurs de ces peines purifiantes, afin d'en parler plus à fond. Au reste, par les enfants de Lévi, de Juda et de Jérusalem, il faut entendre l'Église de Dieu, composée non seulement des Juifs, mais des autres nations, non pas telle qu'elle est dans ce temps de pèlerinage, dans ce temps où, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, 8, mais telle qu'elle sera alors, purifiée par le dernier jugement, comme une aire nettoyée par le van. Ceux mêmes qui ont besoin de cette purification ayant été purifiés par le feu, nul n'aura plus à offrir de sacrifice à Dieu pour ses péchés. Sans doute tous ceux qui sacrifient ainsi sont coupables de quelques péchés, et c'est pour en obtenir la rémission qu'ils sacrifient. Mais lorsqu'ils auront fait accepter leur sacrifice, Dieu les renverra purifiés. Chapitre 26. Des sacrifices que les saints offriront à Dieu, et qui lui seront agréables, comme aux anciens jours, dans les premières années du monde. Or, Dieu, voulant montrer que sa cité ne sera point alors en état de péché, dit que les enfants de Lévi offriront des sacrifices en justice. Ce ne sera donc pas en péché, ni pour le péché. D'où l'on peut conclure que ce qui suit, et le sacrifice de Juda et de Jérusalem plaira au Seigneur, comme aux anciens jours, dans les premières années, ne peut servir de fondement raisonnable aux Juifs pour prétendre qu'il y a là une promesse de ramener le temps des sacrifices de l'Ancien Testament. Ils n'offraient point alors de victimes en justice, mais en péché, puisqu'ils les offraient, surtout dans l'origine, pour leur péché spécialement. Cela est si vrai, que le grand prêtre, qui était vraisemblablement plus juste que les autres, avait coutume, selon le commandement de Dieu, d'offrir d'abord pour ses péchés, Ensuite pour ceux du peuple, Lévitique 16, 6, Hébreux 7, 27. Il faut dès lors expliquer le sens de ces paroles, comme aux anciens jours, dans les premières années. Peut-être rappelle-t-il le temps où les premiers hommes étaient dans le paradis, et, en effet, c'est alors que, dans l'état de pureté et d'intégrité, exempt de toute souillure et de tout péché, ils s'offraient eux-mêmes à Dieu comme des victimes très pures. Mais depuis qu'ils en ont été chassés pour leur désobéissance, et que toute la nature humaine a été condamnée en eux, personne, à l'exception du médiateur, et de quelques petits-enfants, ceux qui ont été baptisés, personne, dit l'Écriture, n'est exempt de péché, pas même l'enfant, qui n'a qu'un jour de vie sur la terre. Job 14, 4 suivant la Septante. Répondra-t-on que ceux-là peuvent passer pour offrir des sacrifices en justice, qui les offrent avec foi, puisque l'apôtre a dit que, le juste vit de la foi, Romains 1, 17, c'est oublier que, selon le même apôtre, le juste se séduit lui-même, s'il se dit exempt de péché, il se gardera donc bien de le dire et de le croire, lui qui vit de la foi. Peut-on comparer d'ailleurs le temps de la foi au dernier temps, où ceux qui offriront des sacrifices en justice seront purifiés par le feu du dernier jugement? Puisqu'il faut croire qu'après cette purification les justes n'auront aucun péché, ce temps ne peut assurément être comparé qu'avec celui où les premiers hommes, avant leur infidélité, menaient dans le paradis la vie la plus innocente et la plus heureuse. On peut donc très bien donner ce sens aux paroles de l'Écriture sur les anciens jours et les premières années. Dans Isaïe, après la promesse d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, entre autres images et paroles énigmatiques sur la félicité des saints, que nous n'avons point expliquées pour éviter d'être longs, on lit « Les jours de mon peuple seront comme l'arbre de vie. » Isaïe 65, 22. Or, qui est assez peu versé dans les Écritures pour ignorer où Dieu avait planté l'arbre de vie, dont les premiers hommes furent sevrés, lorsque leur désobéissance les chassa du paradis et que Dieu plaça auprès de cet arbre un ange terrible avec une épée flamboyante? Si l'on soutient que ces jours de l'arbre de vie, rappelés par Isaïe, sont ceux de l'Église, qui s'écoule maintenant, et que c'est Jésus-Christ que le prophète appelle l'arbre de vie, parce qu'il est la sagesse de Dieu, dont Salomon a dit. Elle est un arbre de vie pour tous ceux qui l'embrassent, Proverbe 3:18, si l'on soutient que les premiers hommes ne passèrent pas des années dans le paradis et n'eurent pas le loisir d'y engendrer des enfants, de sorte qu'on ne puisse rapporter à ce temps les mots, comme aux anciens jours, dans les premières années. J'aime mieux laisser cette question, pour n'être point obligé d'entrer dans une trop longue discussion. Aussi bien, je vois un autre sens qui m'empêche de croire que le prophète nous promet ici, comme un grand présent, le retour des sacrifices charnels des Juifs, aux anciens jours, dans les premières années. En effet, ces victimes de l'ancienne loi, qui devaient être choisies sans tache et sans défaut dans chaque troupeau, représenter les hommes justes, exempts de toute souillure, tels que Jésus-Christ seul a été. Or, comme après le jugement, ceux qui seront dignes de purification auront été purifiés par le feu, de telle sorte qu'ils s'offriront eux-mêmes en justice, comme des victimes pures de toute tache et de toute souillure, ils seront certainement semblables aux victimes des anciens jours et des premières années que l'on offrait en image de ces victimes futures. En effet, la pureté que figurait le corps pur de ces animaux immolés sera alors réellement dans la chair et dans l'âme immortelle des saints. Ensuite le prophète, S'adressant à ceux qui seront dignes, non de purification, mais de damnation, leur dit, « Je m'approcherai de vous pour juger, et je serai un prompt témoin contre les enchanteurs, contre les adultères, etc. » Et après avoir fait le dénombrement de beaucoup d'autres crimes damnables, il ajoute, « Car je suis le Seigneur votre Dieu, et je ne change point. » Comme s'il disait, « Pendant que vous changez, par vos crimes, en pis, par ma grâce, en mieux, moi je ne change point. » Il dit qu'il se portera pour témoin, parce qu'il n'a pas besoin, pour juger, d'autres témoins que de lui-même, et qu'il sera un prompt témoin, ou bien parce qu'il viendra soudain et à l'improviste, quand on le croira encore éloigné, ou bien parce qu'il convaincra les consciences, sans avoir besoin de beaucoup de paroles, comme il est écrit, « Les pensées de l'impie déposeront contre lui. » Sagesse 1, 9. Et selon l'apôtre, « Les pensées des hommes les accuseront ou les excuseront au jour que Dieu jugera par Jésus-Christ de tout ce qui est caché dans le cœur. » Romains 2, 15, 16. C'est ainsi que Dieu sera un prompt témoin, parce qu'en un instant il rappellera de quoi convaincre et punir une conscience. markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.